L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Crous Lorraine, la métropole du Grand Nancy, la ville de Nancy, l'association étudiante Erasmus Student Network organise la 20e édition de fin d'échange. Ce sera les 4 et 6 novembre. Nicolas Schell, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission pour le Crous Lorraine. Fin d'échange, donc déjà 20 ans que cela existe. Vous pouvez nous rappeler l'objectif premier de ce rendez-vous ? L'objectif premier, c'est de proposer une rencontre entre les habitants de Nancy et son agglomération avec les étudiants internationaux qui sont en études sur le territoire de Nancy. Donc le temps d'un repas chez l'habitant. Ça existe que à Nancy ? Fin d'échange, ça existe à Nancy, mais elle a une petite sœur qui fait une opération très similaire qui est organisée à Metz, qui s'appelle Échange Gourmand et auquel le Crous participe également. Ça concerne combien d'étudiants sur Nancy, ce rendez-vous fin d'échange ? Les étudiants internationaux en études à Nancy, ils sont quelques milliers quand même, donc on a la chance d'en avoir quand même beaucoup sur le territoire. Le Crous Lorraine en héberge également une bonne partie dans ses résidences universitaires. Il s'agit de leur proposer donc cette rencontre, le temps d'un repas chez l'habitant, et donc ça aura lieu donc le dimanche 6 novembre. Ce rendez-vous de fin d'échange, qu'est-ce qu'il représente pour le Crous Lorraine ? Ça représente un temps fort de l'année universitaire et puis c'est surtout que l'accueil des étudiants internationaux fait partie intégrante des missions du Crous et puis plus largement des Crous en France. Comment se passent les inscriptions ? Alors c'est très simple, en fait la porte d'entrée c'est le site internet du Crous Lorraine, donc crous-lorraine.fr. Il faut ensuite se rendre dans la rubrique internationale, ils en trouveront facilement l'onglet fin d'échange, l'onglet dédié, et donc là on peut s'inscrire via un formulaire très simple avec des champs, ça prend quelques minutes, voire quelques secondes, c'est pas très compliqué. Donc ensuite, Crous Lorraine, nous gérons les inscriptions et on assure la mise en relation entre à la fois les étudiants internationaux et les hôtes qui les accueilleront le 6 novembre. Donc voilà, il y a une mécanique derrière d'échange entre participants, donc on les met en relation pour que tout le monde sache qui va chez qui et qui reçoit qui. Le 6 novembre. C'est le Crous qui va organiser tel étudiant va aller chez telle famille. On a un petit logiciel, ça se fait de façon aléatoire, les attributions. On peut ainsi prévenir en amont les participants de la personne qui va se rendre chez Monsieur Untel et de Monsieur Untel qui va recevoir tel étudiant. Sachant qu'ils en reçoivent parfois un, deux, trois, voire plus de temps à autre. Voilà, on peut recevoir plusieurs étudiants chez soi. Tout à fait, de 1 à autant qu'on le souhaite. Ça dépend la taille de sa salle à manger. Et de nationalités différentes également aussi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ouais. On a beaucoup de nationalités représentées. Puis sur les éditions jusqu'ici, on va dire les éditions passées, c'est quasiment systématique qu'on ait quasiment les 5 continents représentés. Quoi. C'est un panel très très large. Ce repas, ce sera le 6 novembre, mais il y a un premier rendez-vous pour tout le monde le 4 novembre. Ce sera à l'hôtel de ville de Nancy. Qu'est-ce qui va se passer tout ce jour-là ? C'est un temps convivial qu'on propose à l'ensemble des participants. Ça permet aux personnes qui se sont inscrites de faire une première rencontre avant le repas du dimanche. Et donc, on propose un temps convivial dans les grands salons de l'hôtel de ville. Donc voilà, comme lieu emblématique de Nancy, je pense qu'on ne pouvait pas trouver mieux. Le cadre est tout trouvé. Et donc, les participants sont invités à s'y rendre à partir de 18h30. Ensuite, il y a un mot d'accueil de la part des organisateurs qui est toujours fait pour le protocole. Et ensuite, on leur propose un buffet à manger, à boire. Donc à partir de là, ils peuvent commencer à faire connaissance, échanger. Et puis, on conclut la soirée par un petit concert dans l'hôtel de ville, en salle chez de fer. Donc ça, c'est le premier rendez-vous, l'avant-veille du repas dominical. Et bien sûr, après le repas, ça, chacun s'organise pour le 6 novembre, c'est ça. Absolument. On laisse carte blanche aux personnes qu'on remercie encore de s'inscrire et d'accueillir chez eux ces étudiants, parce qu'on sait que ça représente du temps, de l'argent, c'est de l'investissement, bien sûr. Donc évidemment, on remercie chaleureusement les habitants de Nancy et sa métropole de leur participation et puis de ce geste d'ouverture et puis de curiosité. Clairement, c'est la philosophie de la manifestation. Et ça fait 20 ans que ça dure, donc c'est que ça fonctionne. Et il y a encore, bien sûr, des possibilités pour proposer une place autour de la table pour un étudiant étranger le 6 novembre. Les habitants de Nancy et son agglomération qui souhaitent s'inscrire, bien sûr, il y a encore de la place. Donc, on les encourage à s'inscrire directement sur le site du Crous. Donc, je le répète, crous-lorraine.fr, rubrique internationale. Vous trouverez l'onglet fin d'échange très facilement. Et donc il est encore possible de s'inscrire d'ici le 4 novembre. On les encourage vivement. Pour cette 20e édition de fin d'échange à Nancy, merci beaucoup Nicolas Schell. C'est moi qui vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.